Laisse-moi m'en aller plus loin, laisse-moi dédier ça aux miens. Laisse-moi en placer une pour nos gars, nos femmes de terrain. Laisse-moi t'emmener plus loin que ces vies de chiens. Où qu'on aille, jamais on oubliera d'où on vient. Leurs ventres sont pleins, nous on a faim. Comment tu veux qu'on soit serein? On rôde, on fraude, on roule sans frein. Génération peur de rien, je rentre dans le rap comme un sale gamin. Comme deux doigts dans un sac à main. C'est aujourd'hui qu'on construit demain, donc on se battra jusqu'à la fin. Trop speed pour s'arrêter là, à l'aise on nique vos faux débats. Parce qu'on mérite bien mieux que ça, et les limites on connaît pas. Fais vite on t'attend pas. Pourquoi t'hésites, viens on s'en va. Loin des haines, des peines, des sirènes. On veut s'en aller plus loin. On veut s'en aller loin. Y'a plus rien qui nous retient. Jamais de la vie on oubliera d'où on vient. Et on veut aller plus loin. On est parti de rien. Et quand on se souvient, pense à ceux qu'on a perdus sur le chemin. On veut s'en aller plus loin. On veut s'en aller plus loin. Trace, trace, le monde est grand. Tu préfères l'affronter en face ou le regarder sur un écran? On veut notre part, faire notre place. On a les coronets et le manche. On vient prendre notre revanche. On n'attend pas, on déclenche, on déclenche. Quand on y pense, des jours sombres et des nuits blanches. Fais pas le con, fais ton mieux. De toute façon, c'est Dieu qui tranche. Tu sais que jamais je me plaindrai, moi, parce qu'on m'a donné ma chance. Pour ceux qui sont plus là, laisse-nous pleurer leur absence. On tient, mais suffit d'un rien pour qu'on pète vraiment les plombs. Tout sauf perdre le contrôle ou exploser sous la pression. Combien qui s'en sortent? Combien qui perdent la raison? On veut s'en aller plus loin que cette jungle de béton. On veut s'en aller plus loin. On veut s'en aller loin. Y'a plus rien qui nous retient. Jamais de la vie on oubliera d'où on vient. Et on veut aller plus loin. On est parti de rien. Et quand on se souvient, pense à ceux qu'on a perdus sur le chemin. On veut s'en aller plus loin. On veut s'en aller plus loin. On veut s'en aller loin. Y'a plus rien qui nous retient. Jamais de la vie on oubliera d'où on vient. Se souvient, quand on se souvient.